Chapitre 7. Luynes. Du côté de Luynes, Louis était en phase d'observation, tel le meilleur élève d'un lycée agricole, apprenant chaque jour de nombreuses choses sur la vie des animaux de la basse-cour, la traite régulière des vaches ou le fonctionnement du tracteur de Paul, qui l'emmenait régulièrement avec lui pour labourer ses hectares de champs. C'était beaucoup mieux que les leçons pratiques de son école primaire. Louis était fasciné par Paul Van Aldervelt, ce personnage haut en couleur, à l'accent belge des plus truculents, qui souvent le faisait rire aux éclats. Ce dernier était devenu, malgré lui, le nouvel instituteur sans diplôme du jeune garçon. Paul était un grand type en surpoids, toujours affublé de chemises à carreaux rouges, un béret couvrant sa calvitie et un mégot éteint collé sur le coin de sa lèvre inférieure, râlant tout le temps à propos de son matériel, parfois défectueux, ou simplement quand il y avait de la pluie en surabondance sur ses cultures. Son épouse, Marie, était une femme plus discrète et effacée. Celle-ci entrait régulièrement dans un mutisme profond face aux nombreuses colères de Paul, qui finissait souvent ses soirées en ronchonnant dans son coin ou en s'effondrant de sommeil sur le divan de cuir du salon. Marie finissait alors de laver sa vaisselle tout en sanglotant et en espérant une vie meilleure. Malgré ce caractère de cochon que devait subir la pauvre Marie depuis plus de 30 ans, le petit Louis vouait une admiration sans pareille vis-à-vis de celui qu'il avait en quelque sorte sauvé, en le prenant sous son aile tout en l'hébergeant au sein de sa ferme. Paul était en quelque sorte son grand-père de substitution. Sa colère s'exprimait uniquement à travers des mots souvent injurieux traduits en flamand, mais aucunement à travers le moindre geste violent. Ce dernier n'aurait du reste jamais fait de mal à une mouche, et encore moins à Louis, qu'il considérait réciproquement comme le petit-fils qu'il n'avait jamais eu à cause du vœu de célibat de sa fille Hélène. Plus les semaines passèrent, plus il avait de l'affection profonde pour ce petit garçon qui, du jour au lendemain, illuminait son existence et redonnait vie à cette triste ferme perdue au milieu de la campagne wallonne. Pour Louis, tout était permis. La propriété rurale était un formidable et immense terrain de jeu. Ce dernier pouvait librement s'enfoncer dans les champs de maïs qui entouraient la ferme, gambader dans les prairies alentour, tout en essayant désespérément de grimper sur le dos des vaches, tels les cow-boys de rodéo qu'il avait vus dans des bandes dessinées. Il pouvait également cueillir les pommes et poires du verger, sans aucune réprimande de la part de Paul, qui était plutôt fier des dégustations de ses fruits par cet enfant qu'il chérissait tant. Une vraie complicité commençait à naître entre Paul et Louis. La seule chose qui était totalement interdite au petit Louis, c'était l'accès à cette immense antenne radio qui dominait les champs, située à peine à une cinquantaine de mètres de la ferme. Paul lui avait formellement recommandé de ne pas s'approcher du local technique, entouré d'une rangée de fils barbelés, et de ne pas le suivre quand il se rendait 3 fois par semaine vers cette étrange tour Eiffel blanche et rouge qui clignotait la nuit. Paul avait prétexté la dangerosité de ce lieu par la présence de câbles électriques de haute tension alimentant le site, signalé par un panneau figurant une tête de mort et un éclair qui effrayait l'enfant. Du reste, cet étrange pylône composé de poutrelles métalliques intriguait Louis qui, dans ses jeux quotidiens, s'imaginait être un poste d'observation pour guetter l'arrivée des tribus Sioux ou Apaches. Était-ce peut-être une ancienne éolienne sans ailes, abandonné par un fermier du Far West? Dans l'imaginaire de Louis, tout était possible, et chaque jour, ce dernier projetait sur cette étrange et frêle architecture les fonctions les plus farfelues et délirantes qui émergeaient de son esprit d'enfant de 11 ans. Afin d'obtenir des réponses précises, Louis tentait de questionner Paul sur la fonction exacte de cette antenne et sur les raisons des dimensions gigantesques de cet outil technologique dominant le paysage. Paul lui donnait alors des réponses évasives et totalement floues qui laissaient bien souvent Louis dans un profond état d'incertitude et de perplexité. À force de semer le doute dans l'esprit du jeune garçon, Paul n'avait fait que nourrir son incrédulité et surtout sa curiosité qui s'accroissait de jour en jour. Chaque soir, c'était devenu un rituel. Après le souper, Marie accompagnait Louis dans sa chambre afin que ce dernier aille se coucher. Elle lui racontait alors des histoires pour enfants, issues d'un vieux livre poussiéreux qui traînait sur les rayonnages d'une minuscule bibliothèque placée au fond du couloir principal de la ferme. Louis fermait les yeux, tout en faisant semblant de s'endormir, puis il attendait le départ de Marie vers sa cuisine. Ensuite, il patientait quelques minutes avant de s'extraire du lit et de regarder discrètement par la fenêtre le lent cheminement de Paul vers l'antenne. Comme par enchantement, ce dernier disparaissait soudainement dans le petit local technique qui était éclairé toute la nuit par une minuscule ampoule dont on percevait à peine la lueur à travers une étroite fenêtre. Louis voyait alors, telle l'apparition d'un revenant, l'ombre de Paul projetée sur le mur du local. La silhouette de ce dernier permettait d'entrevoir un casque audio sur les oreilles. Louis avait très vite compris que Paul attendait toute la nuit un quelconque signal ou d'étrange message que pouvait certainement capter cette étrange antenne. De la même façon, quelques années auparavant, à Tourcoing, il avait observé sa maman Claire, l'oreille rivée sur le haut-parleur de son gros poste à Galène, écoutant d'étranges messages de la Résistance. C'était devenu pour lui un profond mystère qui le fascinait et qu'il s'était promis de résoudre. Les ordres de Paul étaient pour l'instant des barrières aussi infranchissables que les fils barbelés qui dissuadaient Louis de toute velléité d'escalade de cette zone dangereuse. Non seulement Louis avait l'intention de désobéir à Paul pour connaître la vérité, mais il lui fallait trouver un stratagème pour accéder au local de cette antenne, afin d'avoir des réponses précises et peut-être des preuves. Malgré toute l'admiration que Louis vouait à cette figure paternelle incarnée par Paul, il était persuadé que ce dernier lui mentait en lui cachant certaines choses. Le jeune enfant commença à douter de l'honnêteté de Paul vis-à-vis de lui. Il commença à se poser de nombreuses questions. Mais pour quelle raison Paul agissait-il ainsi? Pourquoi n'avait-il pas confiance en lui? Que pouvait-il bien dissimuler derrière ses airs de paysan rustre et naïf? Pourquoi sa femme Marie avait-elle également l'interdiction de s'approcher de l'antenne, isolée en plein champ? Pourquoi Paul n'avait-il pas confiance en son épouse? Quel rôle jouait-il exactement? Avait-il une mission à accomplir, et pour qui? Louis était devenu un véritable enquêteur, et des montagnes de questions s'accumulaient dans son esprit. Il était totalement perdu, et n'arrivait pas à reconstituer un scénario logique et probant, lui permettant d'être convaincu par la sincérité de Paul. Plus ce dernier était fuyant, plus Louis devenait méfiant. Entre Louis et Paul, le climat de confiance qui les avait rapprochés au début de leur relation amicale et quasi familiale s'était franchement dégradé au point que Louis avait décidé de transmettre toute son affection à Marie. Pourtant, au début, celle-ci était restée distante vis-à-vis de l'enfant. Louis devait impérativement trouver une nouvelle stratégie afin d'avoir peut-être des réponses de Marie sur les étranges activités de son époux. C'était une nouvelle piste qu'il devait absolument explorer.